J'ai des trucs à dire, ah ouais, un message à faire passer. Vas-y. Salam Alik, bienvenue dans notre musique. Shidra, Elogie, Germinal, chacun ouais, nous s'applique. Marocaine tactique, yeah, orientale technique. Y'a pas de problème mec, c'est Salam Adul le remix. Écoute, le son du Gumbri fait frissonner ma peau. C'est Salam le morceau, c'est là pour tous mes gros. Évite d'aller plus vite que la musique et tu verras. Cherche les causes de la nature dans la nature mon gars. Le sens du raccourci, j'extirpe l'essentiel. Je m'efforce d'être précis, de chaque mot l'étincelle. L'étincelle. Le jour se lève 5h30, c'est donc jour de retma. Du papier, un stylo, l'esprit ouvert, regarde. Ouais. Les bruits de la rue en fond, comme une nappe d'ambiance. Écoute. Un instru qui tourne en boucle pour entrer dans la danse. Pas d'autre but que d'écrire et déchiffrer ce qui m'entoure. Spectateur et acteur, l'œil rivé sur la cour. Du haut de ma tour, on voit pointer l'horizon. Une histoire parmi tant d'autres dans une cité de Zanson. T'as vu, y'a plus d'espoir dans la rue, je reste sans voix. Qu'est-ce qu'ils font, comment faire, je t'avoue que je sais pas, je sais pas. Dernier couple les gars, j'ai l'émotion dans la voix. Je m'éclaircis la gorge et je conclue, Roya. Y'a pas de refrain, c'est un titre à la barbare. C'est le son des cousins, ça va tourner dans les caisses des Lascars. Je suis généreux mais j'ai les yeux ouverts comme dit ma mère. C'est pour ça que j'écris sans aucune concession mon frère. D'un jour à l'autre, merci à vous de nous avoir écoutés. Salam à deux dans la place, un dernier pour la paix. Élogie pour ce qu'on a fait du fond du cœur, merci. Germinal c'est l'album, j'ai tout donné l'ami. C'est le moment de laisser la place au Nacelle Riwan. La vie est belle malgré tout, paix à tous, salam. Salam. Salam Alik, où est le mektoub? Kun fi tariq al mustaqim. Ça sort, je vais réaliser un vieux rêve. D'un jour à l'autre, j'ai posé et posé sans aucune trêve. Pas de Noël, mec, dit 1er mai. On a taffé dans l'ombre H24, y'a pas de secret. Au fil des semaines, j'ai appris à viser l'émotion. Apprivoiser le son, mon cœur, ma voix au diapason. J'ai bien eu raison, je le sais, dans mon fort intérieur. De me donner corps et âme comme un damné quand c'est l'heure. Je veux me pavaner fils. Entériner ce que j'ai à dire, c'est le bonheur que je vise. Sur mes ruines, je vais rebâtir le studio, l'ami. C'est mon espace de liberté. La musique, j'aime créer. Les mots, j'aime explorer. J'aime explorer. Salam Alik. Salam Alik. Salam Alik. Où est le mektoub? Mektoub. Mektoub.